De jour comme de nuit, je fais circuler ma cam. Y'en que la rafraie, y'en on esquive les stars. J'suis de mauvaise humeur, tant que j'ai pas compté mon genre. Ah. Barry White se prépare dans le Dodgy, le manoir. Qu'il me plébiscite. Pour cette cam il se précipite. Certains négros préfèrent cette bitch au pif. J'ai vendu de la dope pour ajouter des chiffres. Certains rebeux m'ont trahi pour leur pif. J'ai gardé ce tarpé près de moi pour le kiff. Dans le Dodgy, le manoir, Barry White se prépare. Je fouette ça, je fouette ça. J'ai deux gloves dans le fût, je dégaine juste pour voir si tu parles mal. La toasterie nous a tiré, donc mes dégâts qu'on plante toute la night. On en veut toujours plus, comme il perd cette caisse des capotages. Pourquoi tu jacques? Bébé d'âme, je t'écrase à mon club. Quelques shooters dans mon squat, ça vitre à vieux la frappe et des chacun à sa place. Bétasse, je crache et je m'arrache comme d'hab. Moi, un truc que je vois comme char. Le mal remonte à la surface. Libéré, pico, sopac, doka. Les filles que débarquent, j'ai déjà caché mon crack. J'ai les idées dans ma putain de PY. Pas des positions, on dit jamais mon place. Baronde avec animal. 30 balles, lui dit je réussis sans tchépi. 70 te dit, la testerie nous attire. 0-17 c'est le game. J'agis même à chasser le game.